بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خليل كومنتير بار أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Donc à partir d'aujourd'hui, inshallah, on commence un nouveau chapitre et on espère bismillah finir ce qui était prévu comme cours concernant bab tahara burul maram avec le shah fath al-allam, ou plutôt dirasa fath al-allam. Donc là sont les derniers cours de la série pour finir par le chapitre des menstrues. En reconnaissant que ce chapitre-là, c'est pas celui où j'étais le plus minutieux et le plus attentif pendant le Ders. D'accord? Car souvent, t'as vu, le musulman ou l'étudiant, quand il dit une mas'ala, souvent, quand il n'est pas concerné, il n'est pas aussi concentré que si ça le touchait. Par exemple, un frère qui a les moyens de payer la zakat sera plus attentif au Ders de la zakat que celui qui n'en a pas. Celui qui est sur le point de faire le hajj, dans peu de temps, va être plus concentré sur le cours comment faire le hajj que celui qui sait qu'il est loin de faire le hajj. Pas pareil, tu vois. Et le haïd, à la base, c'est une chose qui concerne les femmes, principalement. Donc, quoi qu'on dise comme explication, comme règle ou quoi, pour ce qui est du ressenti et du vécu, tu ne pourras jamais voir la chose comme une femme. À la base, c'est une chose qui était Kotiba la benet à Adam. Ça a été écrit sur les filles d'Adam, alayhi salam, le haïd. Donc l'homme pourra. Il ne pourra que structurer les choses. Quelque sorte, structurer pour expliquer. Mais ce qui est du ressenti, du vécu et l'expérience, c'est la femme qui connaît. Donc, même des choses pour être expliquées comme ça, la femme, c'est plus savante de ce qu'elle ressent. Des fois, tu peux arriver avec des descriptions du sang, comment il est, la femme ressent, elle sait mieux. Des fois, même sans voir le sang ou quoi, elle sait quand est-ce que l'homme menstrue, elle le ressent. Et des fois, elle ne le ressent pas. Donc, il faut savoir une chose. Là, tu pourras expliquer autant que tu veux, tu ne pourras toi qu'essayer de structurer la chose. Pour ce qui est du côté marsouf, le ressenti c'est pour la femme. C'est pour la femme. Non. Voyez. Donc il dit. يقال حاضت المرأة تحيد حيدا أو محيدا فهي حائض بحذف الهاء لأنه صفة للمؤمن للمؤنث خاصة. Donc le verbe c'est حاض يحيد. حاض يحيد. المصدر c'est حيدا أو محيدا. Et on dit que la femme elle est حائض. L'isme fa'il c'est ha'id, on ne dit pas ha'ida, comme on l'a déjà expliqué, car c'est un mot à la base des preuves qu'a la femme. Donc il n'y a pas besoin de le féminiser. Il est déjà féminin en lui, dans son sens. Après il dit, وَالْحَيْدْ فِي اللُّغَ السَّيْلَنْ مِنْ قَوْلِهِمْ حَاضَ الْوَادِ إِذَا سَالَ. Donc en fait, à la base, littéralement parlant, le haïd c'est سَيْلَنْ. سَيْلَنْ c'est ça vient de salay asilou qui veut dire s'écouler, écoulement. On peut même dire employer hada al-wadi idha sala. C'est que la vallée, lorsque le sel y passe, on dit hada al-wadi. Non. Donc ce verbe peut être employé également comme masculin apparemment. Mais la base, c'est pour la femme. Et dans la terminologie, dans la législation, damun. يَخْرُجُ مِنْ رَحِمِ الْمَرْأَةِ فِي أَوْقَاتِ مَخْصُوصَةٍ. Que c'est un sang qui sort de l'utérus de la femme en des temps spécifiques. Après il dit مَسْأَلَةٌ. Avant de commencer avec les hadiths, il vient avec des cas de figure, d'accord, qui ne sont pas cités dans les hadiths, mais qui aide à comprendre la suite. pour pouvoir structurer la chose. Il dit Mas'alatun anwa'u ad-dima'i allati takhruju min farj al-mar'a. Le genre de sang qui sort du vagin de la femme. En premier lieu, le sang des menstrues. Dem al-hayd, qui est un sang naturel qui sort lorsque la femme devient pubère. Et qui sort en des temps définis. Il sort en des temps définis. Deuxième, dem al-nifas, ce qu'on appelle les lochis, le sang des lochis. C'est un sang qui sort une fois que l'utérus était après la sortie de, on va dire, de l'enfant, après l'accouchement. Quand l'utérus était vidé, de la présence du fœtus. Il y a un sang qui suit par la suite, qui s'appelle Nifas et l'Elochi. Troisième, Dem el-Stihada, c'est les métroragies, comme on a dit, qui sont des pertes de sang. Du sang facide, qui ne sort pas de façon coutumière. C'est pas comme les haïd, ça sort à un moment particulier, les stihadans là. Et ce n'est pas une chose, on va dire, comment dire, elle est naturelle, mais elle n'est pas naturelle dans le sens, c'est pas une chose qui à la base est normale chez la femme. C'est qu'il y a une anomalie quelque part. Alors que le haïd, c'est la femme qui n'a pas de haïd qui, elle, a une anomalie quelque part. Là-bas, c'est que la femme a ses haïd. Celle qui n'en a pas, c'est qu'il y a une chose. Ça arrive, il y a des femmes qui n'en ont pas, mais elles sortent de la base. Et bien, le stihada, c'est le contraire. Celle qui en a, c'est qu'elle sort de la base. À la base, il n'y a pas de perte, mais ça arrive. Et c'est un truc qui est fréquent en plus. Mais là-bas, c'est que la femme, elle n'est pas mustahida. C'est la base. Et cela, c'est à cause d'une veine qui serait ouverte. D'accord ? Ce sens que la cause d'une veine. Tayyib. Après, il dit Al-Farku bayna adam al-istihadati wal-hayd. La différence entre le sang, l'istihada, l'hétrorragie, et de haïd, des menstrues. Cheikh Al-Faymin cite dans Sharh Mumtir 4 choses pour les distinguer l'un de l'autre. En premier, la couleur. Car le sang du haïd, il est noir. Celui des istihada, il est rouge. Il est plus clair. Deuxième chose, Ariqqa. C'est-à-dire que le dème des menstrues, il est plus épais. Et celui des stihada, des métroragies, il est plus fluide, plus liquide. Troisième, l'odeur. Que le sang de haïd, il a une odeur, yani, présente et peu agréable. Moins agréable que celle des stihada. L'odeur est différente. Celle du haïd, il est plus fort. L'odeur est plus forte, plutôt. Et quatrième différence, est tajammud. C'est-à-dire que le sang du haïd, lorsqu'il se purifie, il ne se solidifie pas comme le ferait celui de stihada. Et par la suite, dans l'expression de Boulour, il était dit qu'en fait, même le sang du haïd, il doit se solidifier. Cependant, il prend plus de temps que le sang de stihada. Car le sang normal, comme celui des stihada, c'est beaucoup plus rapide. Après d'une faïda que Ibn Qudama est rapporté dans le Mourni, qui dit que Allah SWT a créé le haïd, les menstrues, pour une sagesse et pour l'éducation ou l'arrivée de l'enfant. Pourquoi ? Parce que la femme, elle est enceinte, à la base, elle n'a plus ce haïd, elle n'a plus de menstrues. Ça, c'est une base. C'est pas dans l'absolu, mais c'est une base. Et ce sang qu'elle est censée avoir dans le haïd devient une alimentation pour l'enfant qui arrive. Ça devient son lait, en fait. Parce que la mère allaite, à la base, c'est la même base, c'est le sang des haïd qui est transformé en lait. Donc c'est pour ça que la femme enceinte ou celle qui allait, à la base, n'a pas de menstrues. C'est la base. Après, ça peut changer. Et une fois que la femme n'est plus enceinte, justement, ce lait, ce composant, où est-ce qu'il part ? Il repart dans l'utérus et redevient le haïd pour sortir tous les mois du menstrues. D'accord ? C'est un cycle naturel qu'Allah, ce moment-là, il a il a décrété pour la femme, et il y a une sagesse derrière, quand tu regardes bien, les choses sont bien gérées, bien agencées, pour te dire. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Également, une autre feuille qui était dit, comme cela fait apporter dans le Sahihain, selon Aïcha, radhiyallahu anha, elle a dit sur le sang des menstrues, هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَتْ آدَمْ. C'est une chose que Allah SWT a écrit, décrétée pour les filles d'Adam, c'est-à-dire toutes les femmes. Donc, cela démontre que le haïd est pour toutes les femmes. Et cela s'oppose à ce qui était dit, que certains ont dit que le haïd, ça a commencé en tant que châtiment sur les filles de Bani Israël. Donc ça, c'est une réfutation à cette parole-là, elle n'est pas vraie. Le haïd n'est pas un châtiment sur les femmes de Bani Israël. C'est une chose qu'Allah a décrétée pour toutes les femmes depuis leur existence. Depuis la venue de Hawa, la femme, elle a ses menstrues. Et ce n'est pas un châtiment. C'est une chose qu'Allah a décrétée pour elle. Naam. Donc après, il dit Mas'ala, Akbar sinnin tahidu fihi al-mar'a. Quel est l'âge le plus haut ce que la femme peut aller pour avoir ses haïds? Pourquoi il dit ça par rapport à la suite? Car des gens disent par exemple, si une femme elle a tel âge, si elle a du sang, c'est pas des haïds. Car cet âge-là, il n'y a plus de haïd. Mathalan. D'accord? C'est pour amener à des certaines conclusions. Donc, il cite différentes paroles de ulama, plein de khilaf. Certains disent 50 ans, d'autres disent 60 ans, ainsi de suite. D'accord? Certains savants, et au final, il a dit qu'en fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de dalil qui dit qu'il y a une limite. Ça, c'est la parole choisie par Cheikh al-Islam Taymiyyah et d'autres. Il n'y a rien qui délimite l'âge dans lequel les menstrues s'arrêtent. Il y a une moyenne souvent qui était vue, vers les 40 ans, 50 ans, ce qu'ils appellent la ménopause, je crois que c'est ça. Après, elle peut avoir d'enfants. C'est une chose qui est constatée. Parce que maintenant, ça veut dire que c'est une femme de 50 ans ne peut pas avoir, c'est que les femmes de 50 ans, elles enfantent. 60 ans, elles enfantent. La femme d'Ibrahim, alayhi salam, elle était âgée, elle enfantait. Elle enfantait. Donc, il n'y a pas de limite. Si une femme, elle a ses menstrues, elle continue de les avoir, mais si elle a tel âge, elle a du sang, les caractéristiques, on ne dit pas que tu es trop âgé, c'est les menstrues, donc tu appliques les règles qui vont avec. Non. Après, il dit, akolsin tahidu fihi al-mar'a. Donc là, c'est le contraire. C'est-à-dire l'âge minimum sur lequel la femme a ses menstrues. C'est la même mas'ala. Certains, ils ont dit qu'il n'y a pas en dessous de 9 ans. D'accord? Et ceux-là, ils ont pris comme preuve la parole de Aïcha. Qu'elle dit, إذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة. Que si la femme atteint les 9 ans, elle devient une femme. Et le affaire, comme cela va venir, il n'est pas authentique. Et au final, pareillement, le rajih dans cette mas'ala, comme nous le savons, c'est qu'il n'y a pas de limite pareil. Il n'y a pas d'âge. Pour pas qu'on se dise, si une fille, par exemple, une fille, elle arrive, elle a 7 ans, elle a du sang, on dit non, c'est pas des menstrues, t'es trop jeune. Si c'est la caractéristique du haïd, elle est haïd. Et là, devient balira. Là, c'est un signe qu'elle est balia. Elle peut consommer le mariage, la salade. Elle doit faire salat obligatoirement. Tout ce qui concerne les mukallafa. Elle est mukallafa. Sur elle s'appliquent les règles. Le péché, il est écrit. Tout ce qui s'applique sur l'adulte, c'est écrit sur elle. Elle doit tout faire. En mesure de ses capacités, bien sûr. Il dit Aqal haid wa aktharuhu wa akar tuhur wa aktharuhu. Donc, quelle est la période la plus longue pour les haid et la plus courte? Et la période la plus longue d'état de purification est la plus courte. Pareil, ce que des gens vont dire, si tu dépasses telle date, c'est pas des haïd. Ou si jamais ça vient avant, c'est pas des haïd. D'accord? Donc, c'est un parle de Nawawi, qui dit que les savants sont unanimes, que la période la plus longue de purification, la femme lorsqu'elle est pas en état de haïd, il n'y a pas de limite. En réalité. Également, ils ont dit que si jamais elle vole le sang, ne serait-ce qu'une heure, et que si jamais il s'arrête, c'est pas des haïds, ils disent. Et que, par contre, cet ijma qu'il a prétendu le Nawawi, il n'est pas vrai. Certains ulama, comme Malik, ont dit que si le sang il sort, le minimum des haïds, c'est même si c'est une coulée qui dure. Il n'a pas dit de temps, mais il dit dafa. Dafa, ça peut durer même pas une minute. C'est le sang des haïds, c'est des haïds. Il se peut que la femme, elle ait une chose qui sorte de la normale, de la moyenne. Elle a des haïds que ça a duré 5 minutes. Ça peut arriver à une femme. C'est pas la base connue, ça peut arriver. Donc ils disent, à partir de là, il n'y a pas de limite. Il y a des choses connues, comme on dit des bases connues, mais là, les bases, elles peuvent être changées. Des fois, des femmes peuvent être au-dessus, d'autres en dessous, ainsi de suite. Donc, ne pas dire qu'une femme, comme elle a eu le sang des haïds, que 5 minutes, c'est pas des haïds. Si c'est les caractéristiques du sang des haïds, c'est des haïds. Et après, ils s'en suivent les règles. Donc ça, c'était... Donc le chien, il a dit, c'est ça le quoi à agir, c'est qu'il n'y a pas de limite. Le haïd peut durer d'une durée très courte, également une durée très longue. Également pour le type de purification, c'est pareil. Et c'est également ce que a choisi Cheikh Ibn Taymiyyah et Cheikh Mokbel. Après, il dit Mas alatoun, il s'est alat al mar'ati bi naqsin ou ziyadatin ou taqaddumin ou ta'akhurin. Que si l'habitude de la femme, c'est-à-dire, la femme, elle est, par exemple, elle est réglée. Elle sait à peu près quand elle a ses menstrues, combien de temps elle dure. D'accord? Elle est habituée. Donc on dit, maintenant, si son habitude, elle change. Que ça réduit. Ça dure moins longtemps. Ou ça rajoute, ça dure plus longtemps. Ou que ça vient avant. Ou ça vient en retard, ainsi de suite. Il y a trois paroles sur le sujet, pour qu'elle puisse juger. Comment on en tient compte? Premier call, c'est ce qui est connu chez l'imam Ahmed. Il dit qu'il faut qu'elle laisse trois cycles. Par exemple, normalement, par exemple, on dit, je sais pas moi, tous les 15 du mois, elle a ses haïds, qui dure jusqu'au 21, 6 jours. Le mois d'après, on dit que c'est arrivé, mathalène, le 10. D'accord? Il dit le 10. Il dit, on laisse. Après le mois d'après, ça vient encore le 10. Il dit on laisse. Le mois d'après encore, le 10. Ou une autre date, autre que le 15. Il dit on laisse. Et à partir de là, quand même, ce n'est compté comme étant sorti de son habitude. Il dit il faut qu'on compte trois fois. Il faut qu'il y ait trois cycles. C'est-à-dire c'est pas dès que la première fois où elle a des réglages, comme on dit, qu'on prend en considération. Il a dit non, il faut attendre trois fois. Que ce qui sort de la moyenne qu'elle avait, n'est pas pris en considération. Ça, c'est le premier call. Deuxième call, Abu Hanifa, lui, dit deux fois. Deux cycles. Problème, deux cycles. Et que ce qu'elle voit après cela, c'est du haïd. Et pour finir, le troisième call, c'est qu'en fait, il n'y a pas de condition pour ça. Pas besoin de ça. D'accord? Après, c'était une longue parole de Mukudama. Il dit, il n'y a pas de dalil par rapport à ça. Que la femme, lorsque ce haïd, il vient, elle sait. Elle connaît. Nabi Salam, il n'a jamais dit, parce que ces femmes ont dit j'avais le haïd, t'es sûr c'est le jour, c'est la période, il n'a pas demandé ça. La femme a dit haïd tôt, khalas. Elle connaît son sang, elle connaît comment elle est constituée, elle sait qu'elle connaît le mieux. Donc il n'y a pas de réglage, on va dire, comme les autres savants ils ont dit, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Toutes les fois où les femmes ont constaté qu'elles avaient leur menstrue, Nabi Salam ou Sahaba ne disaient pas, t'es sûr que c'est la période. Tout va bien. Même si elle avance ou elle recule ou quoi, il ne posait pas la question. Elle sait comment elle est. Et la femme, quand elle voit son sang, t'en connaissent bien, t'en connaissent moins bien, quand elle connaît, elle sait. Elle peut dire oui, c'est pas mon habitude. On dit, c'est pas, peut-être pas ton habitude, mais c'est le haïd. Après le moment, t'es haïd. Khalas. On applique les règles. Naam. Après, Dimas Alatoun. Idha ra'at al-mar'atu yawman daman wa yawman niqa'an. Donc il dit si la femme un jour aura du sang et le lendemain aura plus de sang avant que ne se finisse sa période. Par exemple, elle est habituée à avoir les haïds pendant 6 jours ou 7 jours. D'accord? Un jour elle voit du sang et le lendemain il n'y a plus rien. Comment elle se comporte? Et c'est là ça sort de son habitude. Pareil. Donc il y a plusieurs akwel. Il y en a un qui dit quoi? Le jour où il y a du sang, c'est le haïd. Et le jour où il n'y a pas de sang, c'est qu'il est purifié. Ça c'est le call de Malik et de Ahmed et les autres. Et cette parole-là, elle appelait quoi? Talfiq. Les ulama, ils ont appelé talfiq. Deuxième, c'est quoi? Que les jours du sang et les jours où il n'y a pas de sang, tous sont considérés comme étant le haïd. Par exemple, dans ces 6 jours, du lundi, on va dire, au samedi. Lundi, il a du sang. Le mardi, il n'en a pas. Le mercredi, il a du sang. Le jeudi, il n'en a pas. Ainsi de suite. Jusqu'à samedi. Ils disent tout ça, c'est le Eid. Même le jour où il n'a pas le sang, ça rentre dedans. Car ça rentre dans les jours qu'elle avait à la base. D'accord ? Tayyib. Ça, c'est le kalam de Abu Hanifa et de Shafi'i. Et ça s'appelle quoi ? Alors, il s'appelle Bil. Il n'y a pas les harakats. C'est Sinhab. Je ne sais pas si c'est Sahab ou Sahab. Je m'en rappelle plus du ders. Comment ils appellent ce mot-là ? Donc, au mieux, c'est Talfiq. Deuxième, c'est Sahab ou Sahab. Allah, je n'ai pas les harakats et je n'ai pas demandé. Je vais te demander. On demandera, Inch'Allah. Et le troisième, Qaul, qui est un cas de figure considéré par les Hanabila. En fait, le troisième Qaul, ils disent quoi ? Ça dépend tout simplement de ce qu'elle voit. Si elle voit les signes que c'est la fin du Haïd, comme ça va venir, taïeb, elle voit le Kossa al-Bayda, c'est une eau blanche qui vient, qui a un signe qui montre que les monstres sont finis, c'est fini. D'accord ? Il dit c'est fini. Attends, je me suis perdu là dans le cadre, dans le paragraphe là. Pourquoi ? Parce qu'il se peut que le sang s'arrête et revienne. Il s'arrête et revienne. D'accord ? Qu'il s'arrête et qu'il revienne. Donc ils disent que cela c'est bâti sur quoi ? Sur la vision, les signes qui démontrent que c'est fini. Ça va venir dans le der, c'est quoi les signes qui démontrent que c'est fini ? Donc après, chérissa, la parole la plus sûre, c'est la deuxième. C'est quoi la deuxième parole ? Que dans toute sa période, c'est considéré comme temps du haïd, même si ça s'arrête. Et il dit par contre, si comme là, dans le troisième call, elle voit que c'est fini, c'est fini. Mais si elle ne voit pas les signes, elle reste sur le fait que c'est haïd toujours. Du lundi au samedi, par exemple, ça a coupé un moment, ça s'est interrompu, ça veut dire que c'est fini forcément. Parce que des fois, le sang, il s'arrête. D'accord ? Il s'arrête. Par contre, si elle a vu, elle consta le Bayda, donc là, ses haïds sont terminés. Je pense que même si ça a duré un seul jour, elle a vu les signes que c'est fini, c'est fini. Après, il dit Alamat et Tohur. Les signes qui montrent que c'est fini, qu'elle est en état de purification. Donc, comme il dit, c'est quoi ? Khuruj el Kosta al Bayda. Et ça, c'est une forme de liquide blanc qui sort de l'utérus après les haïds. Et qui se produit chez beaucoup de femmes. C'est pas toutes qui l'ont, mais chez beaucoup d'hommes. Et il faut authentifier que Aïcha, elle a dit quoi ? Ce qu'elle disait aux femmes. La ta'djilna hatta taraina el kosa al bayda. Ne vous précipitez pas, tant que vous ne voyez pas l'eau blanche, le liquide blanc. Rapporté par Malik. Et le Bukhari l'a mis mu'allakan dans le livre des Haïd. Ça, c'est le premier signe. Qu'elle voit le kosa al bayda. Deuxième signe, que c'est assez, genre que c'est devenu sec. Il n'y a plus de découlement. D'accord ? Et ça, c'est pour celles qui ne voient pas le liquide blanc. Je ne sais pas si c'est un nom pareil qu'on sort de Bayda. C'est un nom scientifique en français. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas cherché s'il faisait un nom spécifique. Inch'Allah. Je n'ai pas le temps de regarder. Hein ? Ouais, ça c'est le ma'ana. Mais est-ce que ça s'appelle en français ? Je ne crois pas que ça s'appelle. Le mot pur, ils ne connaissent pas la pureté du koufar. D'accord ? Pour eux, une femme qui haïd, c'est pas une femme qui. Oh, c'est pas une najasa. Pas une najasa. Même si ça va arriver, les chrétiens ils font un rapport avec la femme parce qu'elles ont les haïds. Et les juifs c'est contraire, ils la sortent de la maison presque. Ça va venir ça à la fin du chapitre. Donc la femme qui elle n'a pas de kassa bayda, à partir du moment où ça devient sec, qu'il n'y a plus d'écoulement, il n'y a plus de sang, d'accord ? Il dit comment on peut savoir cela en prenant un coton tout blanc, elle regarde, elle s'essuie avec, dans le vagin, et si jamais il sort le coton tout blanc, c'est que c'est fini. Il faut que le coton il sorte comme il est rentré, tout blanc. Maintenant, s'il y a encore du sang ou quoi, là c'est autre chose. C'est que c'est pas fini. Ou peut-être c'est fini, mais elle c'est pas encore sûr. C'est-à-dire ça vient de finir à l'instant, donc c'est encore un peu humide avec du sang. Donc elle recommence plus tard, ma salade. Mais si jamais, une fois, ça fait un moment qu'il n'y a plus de sang qui coule, elle met le coton et qu'il ressort blanc, nickel, quand on dit nickel, il n'y a pas de sang, pas de tache, ni rien, c'est que c'est fini. Vous voyez, c'est que c'est fini. Après, c'est peut-être des techniques, je ne les connais pas, c'est que les ont exposées, tu vois. C'est pas un truc qui est basé sur un dalil. C'est juste. Une suggestion, tu vois. Tu veux savoir vraiment c'est fini, fais comme ça, Mathalène. Après, s'il y a d'autres moyens, il y a d'autres moyens. Un MC, c'est qu'elle soit sûre que c'est fini. Attends, après, il dit Mas'Allah. Elle, y a-t-il Hamil al-Haid ? Est-ce que la femme enceinte peut avoir ses menstrues ? Il y a deux calls. Premier call, qu'elle n'en a pas. La femme qui est enceinte, elle n'a pas ses Haid. C'est ce qui est plus fréquent, comme on l'a vu au début. Car justement, ses menstrues deviennent du lait pour la suite. Après, c'est la différence par rapport à la main là-dessus. Puis il dit, puis il dit, deuxième call, que si la femme enceinte, elle voit du sang de haïd qui vient, elle est haïd. Pour pas qu'on dise une fois de plus, une femme elle est enceinte, il y a du sang qui vient. Non, comme tu es enceinte, c'est pas possible, c'est pas du haïd, c'est autre chose. Non, si elle voit le sang de haïd et qu'elle même si elle est enceinte, c'est les haïd, ça applique sur elle les règles du haïd. Tu peux pas se dire, je suis enceinte, c'est pas des haïd, donc elle fait salat, elle fait siyam, elle fait. Non, dis, tu arrêtes. Quand cela va venir, si c'est du haïd, tu arrêtes. Tu appliques les règles qui sont suivies au haïd. Et c'est un calame également qui est rapporté de Cheikh Al-Uthaymeen. Car c'est là-bas, c'est que la femme, elle a ses menstrues. Donc si la femme, même enceinte, elle voit le sang du haïd, qu'elle le reconnaît que c'est le sang du haïd, c'est pas stihad ou quoi, c'est le sang du haïd, c'est qu'elle est haïd. Et il apporte plusieurs paroles de ulama qui appuient cela. Après, il dit Masala, إذا عاود المرأة الدم بعد طهرها. Que si jamais le sang revient après qu'elle était purifiée. Donc il dit il y a deux situations dans ce cas-là. Première situation, que ce sang revient durant sa période où normalement elle n'en a pas, dans sa période qui est connue, et que c'est le sang du haïd et qu'elle le voit, c'est du haïd. Faut pas qu'elle se dise c'est pas ma période, je me suis purifié il n'y a pas longtemps. Si elle voit que ce sont du haïd qu'elle reconnaît, ses caractéristiques, c'est le haïd. D'accord ? Ça c'est le call de l'imam Ahmed dans une version selon lui et dans le mazhab Shafi'i. Et l'autre call, ils disent que c'est pas du haïd. Ils disent que c'est pas du haïd, mais ils disent pas sur quoi ils se basent. C'est une masala, ils pas vraiment de dalil pour appuyer leur avis. Mais là, après, Cheikh Ibn Hizam dit que l'avis le plus correct c'est le premier. Si le sang revient et qu'elle voit que c'est du haïd, que ses caractéristiques c'est du haïd. Donc ça, c'est pas besoin de dalil pour ça, c'est une chose qui se voit tout de suite. Car la femme peut sortir de son habitude. Ça peut arriver. Donc ça, c'est la règle. Si la femme connaissant des haïds et qu'elle le reconnaît, en toute situation, c'est du haïd. Que ce soit son habitude ou pas, ses jours ou pas, sa période ou pas, si le sang du haïd c'est celui-là, elle le reconnaît, elle est habituée ou quoi, c'est du haïd. Non. Il dit ça revient au même calème que dans la masala, ça dit ça. Que si jamais sa période échange d'un ajout, d'une induction, pour que ça avance, pour que ça recule, tu te rappelles, il y avait trois calls. Il dit que c'est le même tafsil. C'est le même détail sur la question. Non. Donc ça, c'est sûr que pour les sœurs, ça peut pas être un peu. En tout cas, il faut comprendre que nous, c'est pas une chose qu'on connaît, qu'on ressent. D'accord ? C'est pas grave, des fois on parle d'un sujet, on peut bien développer dessus, comme par exemple l'odo, chose que tout le monde fait tous les jours. Donc ça, c'est une chose à qui t'es habitué, tu connais bien, tu l'as vécu. Mais le hate, c'est une chose qui n'arrive qu'aux femmes. Et pas en plus, il y a des femmes qui ne connaissent pas. T'as un certain âge. T'as un âge où t'en as plus, ou t'en âge où t'as pas, mathalène, souvent. Si elle est hamile, elle est enceinte, elle peut ne pas, à la base, c'est qu'elle n'a pas, mais elle peut avoir, ainsi de suite. Donc c'est sûr qu'on ne pourra pas expliquer la chose comme si on la connaissait. Comme si on l'avait vécu. On ne pourra pas. Donc c'est pour ça que, namour, à la douros, morran, on passe. D'accord ? Et en plus, moi je me rappelle très bien que dans le ders, j'ai pas été ce qui est plus studieux. Wallah musta'an. Là, qu'il y a, c'est une occasion de pouvoir réviser. Astain billah. Et comme on dit, on pourra structurer autant et dire autant de choses qu'on veut, la femme est plus savante. Ce qui concerne le ressenti. Le haïd, quand c'est pas. Est-ce que c'est le haïd, est-ce que ça l'est pas. Et ça, c'est une chose sur laquelle la femme, il faut qu'elle tajtahid, fasse des efforts à bien connaître le sang du haïd. Si elle connaît le sang du haïd, elle le reconnaît, elle sort de beaucoup de problèmes. Par contre, si elle n'arrive pas à distinguer et qu'elle a des métrorragies, Mathalène, là, ça peut se compliquer pour elle. Elle n'arrive pas à distinguer. Est-ce que c'est des pertes ? Est-ce que c'est du haïd, ainsi de suite ? Là, ça peut être compliqué pour elle. Donc, il faut qu'elle fasse le plus d'efforts possible pour ça, pour connaître son sang, savoir ce qu'elle ressent, ainsi de suite. Et si elle a compris c'est quoi le haïd, elle le reconnaît, alhamdoulilah, après, le reste, c'est sahl jiddan. Amen. Tayyib. Alhamdoulilah, rabbil alamin.